de Silo Hind à Brezhoneg. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezhoneg. On se retrouve pour l'émission Hint à Brezhoneg avec Henri Lenaou, Henri Kentel, Pemkant, père à Daugen. Non, je me trompe. Pemkant, père Warnugen. Pemkant, père Warnugen. Voilà. 524. C'est ça. Et on va, pour Gerio Arvué, retrouver aujourd'hui un mot un peu particulier. Oui. Alors, dans l'émission précédente, on avait parlé du mot treuse, hein, qui veut dire la traversée, ou le diamètre, par exemple, hein, une mesure, et puis qui correspond aussi à une racine comparable à trans en latin et en français. Hein, par exemple, pour transmettre, on dira treuscas. C'est aussi la transmission. Alors, avec la préposition « a », donc qui veut dire « de », on reviendra là-dessus un jour parce que c'est important, le mot avec la préposition « a », on obtient « eudreuse ». Donc, parce qu'après le « a » et ce « a » là, il y a une mutation adoucissante et le « t » devient « d ». Eudreuse. Ah, tu dis « eudreuse ». Eudreuse, oui. Alors, par exemple, donc « eudreuse », qui veut dire « de travers ». « Longue comme eudreuse », hein, j'ai avalé de travers. « Trous ou être eudreuse », hein, tout est parti de travers, quoi. Hein. Voilà. « Zella de eudreuse », regardez de travers. Ça, c'est pas très gentil, quoi. Hein. « Zella de eudreuse », hein. Une expression aussi, « heda eudreuse », donc qui veut dire « en long et en large ». Des fois, en français, on dit en long, en large et en travers. Hein, ça, c'est très, très utilisé. Hein. Et on peut dire dreuse à gaïd aussi. Ça marche dans les deux sens. Forcément, puisque c'est en long et en large. Hein. Voilà. Dreuse-ker, complètement de travers. Trous au dreuse-ker, banti. Hein. C'est très, très fort, ça. Hein. Dreuse-ker. Monde dreuse. Monde de dreuse, c'est aller de travers, hein, je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, un trou zoé de dreuse, puis un trou yeille de dreuse, hein, tout ça ne marchera pas, hein, une prévision comme ça. Eudreuse parc ou à travers champ. Alors là, c'est une façon de circuler qui était très répandue autrefois, hein. Donc il y avait des guinogènes ou un peu partout, des sentiers comme ça. Et sur les talus même. Et sur les talus même, hein. Pour éviter de s'embourber. Hein. Et donc, il y avait beaucoup, tout un réseau de circulation, comme ça, dans la campagne, hein, qui permettait de circuler plus vite. Hein. Et on disait dreudreuse. Hein. Et en français, on disait par travers. Aller par travers, hein, dreudreuse. Aveledreuse, c'est du vent de côté. Hein. Alors, ça dépend comment on se situe, quoi. Voilà. Eudreuse quoi, c'est en bandoulière, hein. Comme la musique en bandoulière, hein. le célèbre roman là, qui est très très intéressant, d'ailleurs. Voilà, et dont l'auteur vient d'être récompensé au festival du livre de Carrel. Voilà. Alors une expression aussi, prenant eudreuse, ça veut dire acheter en bloc, sans faire de détails, quoi. Quand on achète, par exemple, un troupeau carrément en tout venant, quoi, sans détails, quoi. Prenant eudreuse. Voilà. Dans Jules Gros, j'ai trouvé une expression aussi, kers ou eudreuse et vel ranket. Marcher de travers comme les crabes, une expression littorale, parce que dans notre région, ici, il n'y a pas beaucoup de crabes. Des fois, il y a des paniers de crabes. Voilà. Long camp eudreuse, je l'ai déjà dit. Bon, ben, on va faire un petit tour. Non, que d'elle, réole eudreuse me sera. Bon, on passe à la seconde partie. Brezhoneg en ma tombe. Thank you. on passe à la seconde partie. C'est Brezhonek Tarmatan. Ben, on était allé faire un petit tour à Zantolek, comme d'habitude. Chanik va à Zantolek. Oui, voilà. Elle était allée voir Iwan, oui. Oui, Iwan Danteg, hein, qui est. Ben, le producteur de cidre. Hein. Oui, à Kerizel, oui. Ouais. Et un producteur qui fait pas mal, qui sort pas mal de bouteilles. Oui, voilà. Alors, on continue à les écouter. Plein homme, maman, Himon. En me homme, Banata, Yorgist. En me mentou d'or binfiu de burgiste. Dré en man et en avalo d'anataya. Ya, don dera en avalo wam ganen dour, gualra den yam, a kasset d'or vilin, azive draye den arlo, a gen avalo marlet, velak d'an man balouer yo dir, pa pember. A kasset d'or pressour goudé. Jusmad, azimor pressour. Neke d'or pressour mot kous. Non, o pressour dipa ouze. Zelet, en avalo yabars dre on tu, Aga ya mezre en tuel, aga chuk ze ur mezre din nan. Ma de da evan. Ya, de te dan va ma peswant, Chanik. Et Chanik, elle y va, parce que de toute façon, elle fait bien son travail. Ouais, ouais, donc ouais. Donc elle goûte tous les produits. Voilà. Voilà. On reprend phrase à phrase, donc ce dialogue, pour aller un peu plus loin dans le domaine du cidre. Plerom, Raman, Iwan. Ouais, où sommes-nous ici, hein, Plerom, Raman. Alors c'est un mot, mais nous on coupe un peu. Hein. Plerom, Raman, Iwan. Où sommes-nous ici, Iwan. Amen omba nataya schiste. Ya. Schiste. Amen omba nataya schiste. Nous sommes dans l'atelier du cidre, hein, l'endroit où on fait le cidre. Amen man tout d'or binviu de beurre schiste. Ya. Amen man tout d'or binviu de beurre schiste. Hein, ici, il y a tous les outils, hein, toutes les machines pour faire le cidre de beurre schiste. Alors, Chanik demande dréamment et te en avalo ba nataya. Voilà. Alors, elle demande dréamment. Par ici, te en avalo. Viennent les pommes, hein, banatailleur dans l'atelier. Parce qu'il y a un petit fossé là par où une rigole, hein, par où vont venir les pommes. Hein. Elles sont portées par l'eau, en fait. Il y a donnera en avalo en mangandour. Il y a donnera en avalo mangandour. Hein. Les pommes viennent ici, mangandour portées par l'eau, avec l'eau. Gualretine en mang. À Kasset d'Arvilin. Voilà, elles sont lavées, hein, Gualfet, elles sont lavées ici, à Kasset d'Arvilin et emmenées au moulin. Arvilin, le moulin. Aze vidrayet en avalo. Voilà, et là, les pommes sont hachées, hein, drayet, hein, hachées, broyées, quoi. Agon avalo malet velaket amant. Voilà. Balonerio. Balouerio, voilà. Louerio dir. Ya. Alors, un aval ou marlet, hein, donc les pommes hachées, broyées, hein, velak d'amon, on les met ici, balouer youdir. Alors, louer, c'est une auge au départ, hein, louer, hein, et donc c'est en pierre au départ, mais pour des récipients, des cuves en fait en acier, on va dire louer youdir. Hein. D'accord. Pas de pème. Pendant 5 heures, hein, donc pour bien macérer, pour que les tanins puissent passer dans le jus après. À cassette d'après sourd goudé, demande Chanik. Voilà. Et emmené au pressoir après. À Jusmad, à Zémar pressourd. Voilà, Jusmad, ouais, exactement. À Zémar pressourd, ici est le pressoir. N'est que d'or pressourd mot de cause. Ah non, n'est que d'or pressourd mot de cause. C'est pas un pressoir à l'ancienne, hein, c'est-à-dire la vis verticale avec le mout, là. Hein. Non, c'est pas un comme ça. Ah non, un pressoir diboué. Dibose. Dibose. Alors c'est un pressoir continu, dibose. C'est-à-dire ça tourne tout le temps. Il va expliquer d'ailleurs. D'accord. Zélit, en avalo aya barz dre tu, aya hermès dre tual. Voilà. En avalo aya barz dre tu, les pommes rentrent dedans par un côté et sortent par l'autre bout. Aga aya hermès dre tual et sortent par l'autre côté. Aga chuk, a ze hermès dre dindan. Voilà. Et le jus sort par en dessous. Madeda Evan, demande Chanik. Madeda Evan, il est bon à boire. Bah oui, là c'est le mou en fait, hein, qu'on appelle le mou, hein, donc du cidre qui n'est pas fermenté du tout, hein, qui a une couleur un peu brune là, et qui est très laxatif. C'est très bon, mais c'est très laxatif. Ya, dis-moi. D'en va, peu soin, Chanik. Ya, d'en va, hein, venez goûter, hein, si vous voulez, Chanik, Macarit. Voilà. Et voilà, et ils vont goûter le cidre. Enfin, c'est pas encore du cidre, hein, c'est du cidre, c'est du mou, quoi, qui va ensuite fermenter pour donner le cidre. Alors c'est très bon, mais il faut pas en abuser parce que c'est une tendance laxative. Et on passe avec Henri Le Naou à la troisième partie de cette émission Interbrezon avec Henri Petra Zonevervro. Ben, calze drog zonevi e boer, vej di ouz an evel just, krogom de diantan evel kiz a custum, gant ne labour douar hag vu e war ar mez. Erruom bremañ ba kreiz ar miz du, betak bremañ ebe klouar an amzer, klouar war, benefin, met tostad ar an bremañ deus ar gouan kalet, a deja ve kom ze calze deus ar bla oton, ar blaz daouvil seitek. De neiz e viz du, e war votadeg ba stadou un anet. Ur mur ne voe zo et gant le nitron Clinton, met dre ar sistem votad ag zo bastado un an, deed ur maout benefin gant Donald Trump. Ne ke bra a gout c'hoaz peseur de dilerad ne voe evit ekonomie ez bro vrans deus ebet handvet Donald Trump. Evit de la pour douar zo roar e vo val. Zonj Donald Trump et Kreskil en taille ou evit un trou di ton de ze broyoel de ze ormez hag da skouer vid ur guin, ur fourmach, ur pate enaf ze zo un draval un peu dur vo diez ur gwer zo produyo ou bastado un il an eut. War dachen skeul amzer, vraiment, prestig vo gret ba Marrakech, ba bro Maroc, un em vo de meur hant vet gob da war nugen, war lan e wabe ba Paris a hob un an war nugen, met deja un eus lar et Donald Trump ne reik ke kont be gant pez vo divizet, ba enan ba Marrakech. Ne reik ke kont be mammez de spez wabe divizet bin, war lan e ba Paris. Zonje de greskin da skwer implij ur glau hag en youlwen evit en energiez. Bon, gwell e vo pez amod vo kont. Chomam vraiment war dachen la pour douar. Zer a debet de nevesso na lo gist breis. Ava lo 12, ava lo rwer, ava lo 30, beb sort, et me ma vid ober gist. Breis ve produe de war dro daugen dregant de ze gist ve eve de Brovrans. Gwegel, oa gist, eva jar vreton dedan. Jonge-meuse, hein, en me bavro, tout d'une évégiste, hein. A jonge-meuse de zégiste, guette gomme zat cause, à wamad tri. Kouls badière, evel banostéliri, evige évégiste. Bacals fermio, evo or pressour. Hag, unebamad, varitienagiste, vige grette béplan. Mais tant ma tant, me zo deux d'eva jouel, ou arevro, ur guin, ur bir, limonat, coca-cola, mi ou ami, peu psortrao. Hag eus giz zo eit an matam war draou. Kouskoud e vegre c'hoaz kal eus giz de breiz. Vel meus lâret war bouez war draou daugent dregant eus giz evet ba Brovrans e vegre de breiz. Pez ara per an mil kant litat, pe do an mil varitien en ma peuswant. Pez ne kefal me meustra. Spen tri an mil kant litat e ve produet gant diou embregerez. Loïc Raison, au bas d'Omanier, Tosterhaven, hag Hop, Val de Rance, zo bas Pleudien, c'est lié associé avec Gades Rins, hag Hendel, zo Pemzexta, là, pour d'air et grand artisanet, Raymond, Brenaval, au évidorogiste, hag Père Ferma Hunterkan, Ragis, Hendel, Ebreis, hag Hins, Gret Bafermio, Vegret, 200, Galax cidre fermier. Après tout, zira wardro pem kanedu de zo breis au laboura des vidagistes. Ten trou dis handel vegret terrorio zo ya pelarin ma terrorio dis handel zo vid d'aubergiste. Da square giste kerneisel et velgis brofwen az au en aven mat. Ba brogwen de vekav giste guievig gret gan avalo avoir ou de ze wen gievik zo handvel un tom de ze gwin gwen kavet ve ive gis brodrig ar gwelo gis bro razon a gist kreis breiz evel just tost am zo nan ar gist un Daniel Lemaitre ba melkarez agor strolat zo bed krouet kan ne broduer yen gist war pem département de breiz a la radé man ive Bronan de Bars, Agar Strolatze, un ACB, Association Citricole Bretonne, rabruder ses vidéogistes avec Zikour et du aérien. Quand on a CB avec Red Bepla, mais aussi de Bepla, concours Randvrouel et vidéogiste avec Troel Gret Grandavalo, Chugavalo, Pomo, Lambig et Veljust. Wardash ne l'a bourdou à Roas, Pelzo ve classe de Breiz ober Trevad ou Neve. Hervégel, moi, comme je serais à Guin Breiz, hein, Broduerien Guin, hag o vegel moa be komz droaz deus re ra bir, hein, peut dire, om, vegret bir, o ne babla yo zo, ba, breiz ive. Met trawel zo roaz da skouer ba mel gwen tre kemper a kankerne, zo pla o hober safran. Ur blanten ze ve handve de vejo, un oer ru. Ur blanten ze zo hokus, pe ve la rin mod, rin zo lioz war apeter eo hokus, hein, le latin velaket velaret crocus sativus a de ze plane de veten den dareden pes velarden galager pistil ag la ke ve de un dent ve ze vezer et ba discarons or ba miseri ag valer ve la ve ze zeret et vidor safran ag gran un dent ve ze ve guerze de or gram ve guerze war dro tregon euro so ki ru hein bon Wardachen en trevad ou roaz ne vesso ba evran ses otos de dinan e be de zer de gran riz vid ar vech tiantan. On an zo un den a zo hessa de kultu riz ba vro hag riz zo be de produet war dou ar zer hein, ne ke bandour hein, ka vech o blas o vel ba, ba nazi vel a ket bandour un treit bandour mais on me vegret war un douarzir, vel vegret va bro Afrika. A ma treize, nous vech fenec vos graves de riz de euros. Dans mon temps, moi, d'achen heure, c'est venadion. Comme ce mois, amant, de Hervé Sébile Kernandour, pe wabé d'une bande grand temps, guerrier dur vallée. Né vaisseau, un dénement ne se grède, or lever, un ne une bande de lever, barzon égout. Or barzas, hein, handved keridval. Hag, or barzone gouze ve kavet, kloten ou diabars, pez ve lard d'un galak rim interne. Gwej el goz, vije impli de kloten ou diabars, gant ne varzet bro gembre hag breiz. Tostor de som ame de kozik, ez zo bizarvet ba purud ame, peut dire, idud oa mestri skol, neus bet implijet kloten ou diabarz evelze. Met hez oa boa belar ba brez el perzek. Bon, pi vid komz deus barzaz Hervé Sébile, imbran de gant un imbran adur yo el yam. O leverel zo bet imbran ne vesso, skriven gant Bernard Rio, di war zen bro breiz. War zen breiz, o sort buer ar zen ma peswant, met skrive den galak. Im ban de a lever gant im ban a dur yo West France. Tromus bit comes tar déjà de Jean-Michel le boulanger et président de Randvro Breiz a gen dense ne skrive de déjà di war ben identité les œuvres étonnent. A ne vesso ne skrive d'un tom lever zo handvet manifest pour une France de la diversité. Mondra en de Jacobinet bonne mon gouscoude et galoud gante pe blair de ze Provence. Guiré, un dernier vrasan de ze politikour, yon de Provence, de jo Jacobine, Jacobine Gwen, Jacobine Rue, Jacobine de ze Vosendu, à bob sort. A bende, ve plante jiwaz ar menoz yo ze bapen un dut, met peteram. Or skrivo an yorel, Jérôme Luca, un eus resse vene vesso ar prise an avreiz, zo ro e gant un vani skrivo an er yen breiz, Galag Association des écrivains de Bretagne. Un des, un scrive de Wardro, d'Oigen Lever, romanche ou, hein, avec Gomes de Zervu et War Hermès, un dro de Langa, Plougna. Nevesso, concours, Grand Aérien bar Redon, la Bogdor, Végré de Zé, avec Maut, Zoet, Grand Orplar de Zevro, Oplar Pembla ou Perugen, Berthe Le Touzic. Pendant nos comptes de studio de Zevro, ne serait Bob Sortrow, Neveso et Ed Nanon, Jean Stalaven. Agendin, ce n'y voit Krog de Ilarbour, grande bout de charcuteur, ma boule vriac. Accrou et grand Stalaven, basan briac. Ag, bon, gual en arve de roi, et vel juste, bavro, Jean Stalaven, triverla à perruque, ne voit. Bon, c'est une tombe de spéce au neve et bavro. Aguilar, Randar, Kenavo, Dar Morgan, de tout d'un du Dels au Chilo. Kenoeri. Ya, tiens, Norvégel.